Talent, créativité, partage. Depuis 41 ans, le Salon des métiers d'art de Cognac se réinvente pour vous offrir un concentré d'idées cadeaux et de pièces uniques. Jeux en bois, céramique, bijoux, verre, cuir, textile. Ce sont 22 créateurs qui vous attendent au couvent des Récollets à Cognac. Cette année, en l'honneur du festival Boost Passion, découvrez les créations sur le thème La Note Bleue. Alors, offrez du beau. Salon des créateurs de Cognac, couvent des Récollets du 19 au 24 décembre, de 10h à 19h. Troisième temps de notre série sur les droits de l'homme à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et vous le savez, France Culture a consacré beaucoup de programmes cette semaine à cette question. Ce matin, pour nous, la Fabrique de l'Histoire, le débat, le rôle de la fin du 19e siècle et du 1er 20e siècle dans l'internationalisation de cette notion. Depuis lundi, nous réfléchissons à l'histoire de l'universalisation du concept de droit de l'homme. Hier, nous avons par exemple débattu des particularités de cette notion sur le continent africain. Demain, le documentaire de Séverine Yattar et de Marie-Laure Ciboulet dressera le portrait de celle qui prit la lumière à Chaillot en 1948, la veuve de Franklin Delano Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une période généralement considérée comme plus terne ou plus neutre que l'après-Seconde Guerre mondiale en ce domaine, la fin du 19e ou la première moitié du 20e siècle, une période pourtant très riche en débats, en réflexions sur ce thème. Nous le ferons en compagnie de Séverine Yattar de la Fabrique de l'Histoire, qui a préparé cette émission avec nous et qui la co-animera, avec Danielle Lechat, elle est professeure de droit émérite à Paris-Nanterre. Zevin Arkevonian est également avec nous, elle est maître de conférence en histoire à Paris-Nanterre à l'Institut des sciences sociales du politique. Elle vient de soutenir son HDR, son habilitation à diriger des recherches sur ce thème. Et Emmanuel Naquet est également avec nous, il est professeur en classe préparatoire et auteur d'une thèse sur la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Séverine Yattar. Bonjour. Bonjour Zevin Arkevonian. Bonjour. Bonjour Emmanuel Naquet. Bonjour. Et bonjour Danielle Lechat. Bonjour. Vous qui travaillez depuis si longtemps, Danielle Lechat, sur cette question des droits de l'homme et de leur histoire, vous avez l'impression qu'on réévalue, on change, on regarde de façon différente dans la fabrique de l'histoire des droits de l'homme, justement, cette notion depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années ou pas? Non, je pense. Enfin, les historiens, oui. Les juristes, de toute façon. Vous êtes juriste vous-même. Oui, les juristes, de toute façon, ont quand même le sens de d'une progression et d'une évolution. Donc, je pense que les juristes qui travaillent sur les droits de l'homme au niveau international ont une claire conscience de ce que, dès la fin du 19e siècle, on voit quand même apparaître une préoccupation pour les droits de l'homme. Déjà, le droit humanitaire, qui commence quand même très tôt, hein, au milieu du 19e siècle, qui se développe à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Après la Première Guerre mondiale, la question des minorités se pose au niveau de la SDN. En raison de la disparition des grands empires. Voilà. La question des réfugiés va être extrêmement prégnante également. Et puis, quelque chose qui est souvent oublié, c'est l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui va jouer un rôle très important. Et pour votre part, en tant qu'historien, Emmanuel Naquet aussi, vous avez l'impression que vous avez vu bouger cette question, vous qui êtes auteur d'une thèse sur la Ligue des droits de l'homme, justement, cette question depuis quelque temps. Oui, je pense qu'il y a eu une réévaluation, en fait, hein, dans le champ des historiens, clairement, notamment depuis les travaux sur l'affaire Dreyfus, hein, puisque on a beaucoup travaillé sur l'extrapolation de cette affaire et le passage, en fait, d'une affaire pour un homme, pour les hommes, et l'homme avec un grand H, donc clairement. Et puis on a vu aussi apparaître des générations, des trajectoires, des sociabilités, donc de défenseurs des droits de l'homme, jusqu'en 1940, clairement. En faisant une sorte de prosopographie, en regardant les itinéraires de personnages qui s'étaient engagés dans cette question-là. Voilà, tout à fait. Il y a même une historienne américaine, donc Wendy Perry, qui a fait une prosopographie, donc de la Ligue des droits de l'homme. C'est à peu près une centaine de membres du comité central entre 1898 et 1940 et qui montre bien en fait cette génération. Séverine Nattard. En tout état de cause, on voit, enfin, on va en parler tout au long de cette émission, que les premières initiatives, en fait, de la communauté internationale concernant ces droits de l'homme vont pas considérer les droits de l'homme, mais plutôt des catégories. Hein, et on va parler de cela durant toute cette émission. Vous avez parlé du droit humanitaire, hein, peut-être qui est le premier droit international émergent. Et puis après, il va y avoir la problématique des réfugiés, des apatrides, Zovin Arkevonian. Oui, fin 19e siècle, hein, déjà. Hein, la question de l'approche catégorielle se pose évidemment dans la construction progressive d'une approche plus unifiée de cette question des droits de l'homme à l'échelle internationale, puisque là je parle de l'échelle internationale, puisqu'effectivement on peut considérer que c'est à partir d'une certaine sensibilité au malheur des autres, au sens large, qui se développe à partir du dernier tiers du 19e siècle, et à une internationalisation aussi des questions, tout simplement parce que le monde, l'information circule davantage, que progressivement cette sensibilité à l'autre, alors elle prend des formes différentes, hein, l'humanitarisme du début du siècle, évidemment inspiré par des questions religieuses aussi, des sensibilités religieuses évidentes, et un certain paternalisme évidemment, puisqu'on est en contexte colonial, mais progressivement, effectivement, on a cette unification de cette question qui se fait. Ah, Daniel Le Chac. Oui. Je pense que c'est tout à fait juste cette idée qu'au départ, ce sont des catégories particulièrement vulnérables qui sont visées. Et puis, il y a un autre élément important, parce qu'il ne faut quand même pas négliger le saut qualitatif qui est fait en 1948, c'est que c'est toujours des obligations qui vont peser sur les États. Et tous les droits que nous considérons comme droits des réfugiés ou droits humanitaires, en fait, ce ne sont pas des droits subjectifs qui sont reconnus à des individus. Mmh. C'est quand même une obligation des États de protéger. Et c'est ça quand même qui fait l'évolution, certes, elle existe, mais il y a quand même quelque chose de très nouveau après la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi, jusqu'à maintenant, Zovin Arkevonian et votre HDR, votre habilitation à diriger des recherches, portent sur ce sujet-là? Pourquoi, jusqu'à maintenant, avait-on laissé dans l'ombre un peu ce travail des pionniers, des gens qui, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, se sont intéressés à cette question-là? Sinon, laissé dans l'ombre, en tout cas, considérer que ça n'était pas essentiel dans le tissage entre les premières déclarations des droits du 18e siècle dont on parlait avec Valentine Zuber lundi, et cette déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il y a probablement plusieurs raisons, mais parmi les raisons, je verrais d'abord une histoire institutionnelle des droits. Et cette histoire institutionnelle et formaliste a évidemment pris acte d'un acte formel qui fondait une nouvelle période, du point de vue purement juridique, donc effectivement, 1948. La deuxième chose, c'est le discrédit durable sur l'entre-deux-guerres et l'échec, ce que l'on a appelé l'échec de la Société des Nations. Et évidemment, cette incapacité à maintenir la paix et à contrôler les régimes dictatoriaux et fascistes des années 30. Et donc, cet échec a pesé sur ce qu'on a appelé les idéalistes, c'est-à-dire des juristes qui auraient une vision totalement idéaliste des relations internationales et qui auraient échoué, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la critique réaliste qui surgit dans les années 30 et qui se prolonge dans les années 50. Donc voilà. Parce qu'elle n'aurait pas eu d'effet immédiat, d'une certaine façon. Non seulement pas d'effet immédiat, mais on a cette image de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale qui pèse extrêmement lourd sur toutes les et qui théories, pèse avec un regard rétroactif sur ce qui se passait. Donc c'est cette vision téléologique d'un échec et donc du récit de cet échec qui a eu effectivement à l'idée. D'ailleurs, l'entre-deux-guerres n'a pas de nom à paraître entre-deux-guerres. C'est vrai. C'est vrai, faut bien. Donc le fait qu'il n'ait pas de nom, ce déficit de qualification dit bien que c'est un espace entre deux conflits majeurs. Et Emmanuel Naquet. Oui, alors moi je pense que la Grande Guerre joue un rôle en fait, hein, certainement dans le déclenchement d'une prise de conscience, même s'il y a des formules qui sont avant 1914 qui sont utilisées, hein, donc de grandes figures comme Francis de Pressensé, hein, qui parle de crimes de lèse-humanité par exemple, clairement à partir de 1915, on a des structures qui constituent des pôles de convergence entre des juristes, mais aussi des politiques. Parce que 1915, vous le prenez en fonction de ce qui se passe et du génocide arménien ou Parce que le génocide arménien joue aussi un rôle dans cette question-là. Oui, mais la prise de connaissance est un peu tardive en fait, du génocide contre les Arméniens. Non, je pense qu'il y a l'idée de réunir des structures. Hein, donc il y a une ligue belge qui est créée aussi, et puis à partir de 1922, il y a la future FIDH en fait, qui est créée par la Ligue française, notamment des droits de l'homme. Voilà, tout à fait, avec la Ligue allemande. Et je crois que ça fait sens, hein, que ce soit la Ligue française et la Ligue allemande qui participent de ces créations. Justement, là, cette LIDH, Emmanuel Naquet, qui est issue, qui provient de la LDH, hein, en fait, hein, de la fin du 19e siècle, au niveau de ses volontés, au niveau aussi de ses personnalités, comment progressivement, voilà, elle en vient à se devenir cosmopolitaine d'une certaine manière dans ses revendications. Je pense que par rapport à ce que disait Daniel Lochat tout à l'heure, elle a vraiment une vision méta-souveraine en quelque sorte des droits de l'homme, une conception donc méta-souveraine, c'est-à-dire que les droits de l'homme sont Ligueur parle de justice immanente, donc sont au-dessus de ce système westphalien qui domine encore, en fait, largement jusqu'en 1945 et même au-delà. Et donc, c'est ce qui explique justement cette hauteur de vue, d'une certaine façon, selon vous, Emmanuel Naquet, qui expliquerait justement que déjà se met en place une fédération internationale, une ligue internationale qui donc va jouer un rôle aussi dans la popularisation, pourrait-on dire, de la notion de droit de l'homme. Voilà, tout à fait. Et lié aux structures, il y a aussi des textes, en fait, qui apparaissent clairement. On en parlera certainement, notamment la question d'un complément, aux déclarations françaises de 89 et 93. Donc on est véritablement dans une religion civique qui extrapole aussi le modèle républicain français. Daniel Lechac, on sait bien qu'effectivement, ces notions, et on en a discuté par exemple hier dans l'émission consacrée à l'Afrique, ces notions purement européennes au départ, ou atlantique, si on considère qu'il y a aussi évidemment les déclarations des droits venant des États-Unis naissants. Ces notions-là sont difficiles à adapter pour certains pays, à être même envisagées, ces notions de droits de l'homme et du citoyen. Comment cela se passe-t-il dans le domaine du droit international quand il s'agit de discuter de qui sont ces hommes et qui sont ces citoyens ? Dans le domaine du droit international, dans l'entre-deux-guerres, il n'y a guère que les États, ce qu'on appelle aujourd'hui du Nord, puisque la décolonisation n'a pas bien eu lieu. Sûr. Donc là, ça résout déjà la question, si on peut dire, parce que les peuples colonisés n'ont pas voix au chapitre. Même si parfois ils s'emparent déjà dans le discours de ces questions de droits de l'homme, pour pouvoir avoir leur première revendication d'indépendance ou d'autonomie, au moins. Oui, vous avez raison, mais ça, c'est pas le 19e siècle, c'est déjà le 20e. Donc, en fait, c'est vrai que ma vision, elle est un petit peu différente par rapport à cette occultation de tout ce qui a pu se passer, parce que, mais encore une fois, c'est mon point de vue de juriste, c'est vrai qu'on est plutôt, nous, juristes, dans les généalogies. Alors, fausse inventée ou revendiquée, en tout cas. C'est vrai qu'on essaye plutôt de voir ce qui, quand on enseigne l'évolution des droits et libertés, on a tendance aussi à revenir à aller très loin, à revenir à Vitoria, et donc à ceux qui ont, aux théologiens espagnols qui ont joué un rôle à la fois majeur dans la formation du droit international et dans l'élaboration de la théorie des droits de l'homme, et qui, eux, avaient une vision, non souverainiste, je dirais. Ce qu'il y a, c'est que dans le droit international, c'est finalement plutôt le courant Vattel et souverainiste, comme on dit, le mot n'est pas très juste pour l'époque, qui l'a emporté. Et ce qui est intéressant... Comment on pourrait qualifier le courant souverainiste, justement? Oui, enfin, souverainiste, je veux dire, qui pense que le droit international, c'est d'abord l'affaire des États. Bien sûr. Et que c'est aux États de protéger ou non leurs citoyens, et que, par conséquent, les étrangers, notamment, n'ont pas de protection particulière. La seule protection qu'ils ont, c'est le minimum de la nation, des nations civilisées. Donc ça... Ça, c'est important de le rappeler, parce que, justement, la façon dont les droits de l'homme ont pu de nouveau surgir, l'importance des droits de l'homme a pu de nouveau surgir à un moment donné, c'est quand même lorsque il y a eu une remise en cause, mais ça, c'est surtout 1948, au niveau du droit positif, de la souveraineté des États. Mais quand même, ce que je voudrais juste dire, mais peut-être que Zovinar en parlera mieux que moi, c'est que au sein de l'Institut de droit international, qui est donc une espèce de lieu où se rassemblent des juristes très éminents, et qui a un rôle purement doctrinal, hein, eh bien, vous avez là, dès la fin du 19e, un élan pour dire que les étrangers aussi ont des droits, que la liberté de circulation, c'est peut-être important, etc. Oui, alors ça, c'est très important, parce que vous avez travaillé sur cet institut de droit international pour votre habilitation à diriger des recherches, Zovinar Kevanian, et on voit bien qu'il y a des instituts qui sont des instituts transnationaux, qu'il y a aussi des organismes privés ou des fondations privées qui se mêlent justement de cette question qui n'est pas simplement une question des États et qui considèrent que justement ça n'est pas une question d'État et qu'il faut peut-être à partir de leur transnationalisme ou transnationalité eh bien, permettre justement de réfléchir à cette question de l'internationalisation des droits de l'homme. Effectivement, l'Institut de droit international, qui est l'une des plus prestigieuses associations transnationales de juristes occidentaux, créé en 1873 à Gand, en 1929, va adopter la Déclaration des droits internationaux de l'homme lors de sa session de New York. Et effectivement, cette déclaration... Ce sont des droits internationaux, ce ne sont pas encore des droits universels. Non, l'expression d'universel n'est pas employée. Elle fait débat, hein. Elle fait partie des débats, mais elle n'est pas employée. Ces droits internationaux de l'homme qui sont adoptés en 1929, cette déclaration est intéressante parce qu'elle, d'abord, elle est difficilement adoptée dans un cénacle de juristes internationalistes occidentaux. Et elle est le fait de trois hommes. D'abord d'un réfugié russe, d'un exilé russe, André Nikolaevitch Mandelstam, qui est en exil en France, un libéral. La deuxième personne qui a joué dans cette déclaration est un Français qui, lui, est professeur à la faculté de droit, qui est Albert de la Pradelle, et qui, dès 1921, plaide pour une charte des droits des nations en considérant qu'on ne peut plus en rester où on était dans cet ordre de la souveraineté précédant la période. Et le troisième est un Américain, James Brown Scott, qui est le chef de la division du droit international de la dotation Carnegie pour la paix internationale. Donc on voit bien les convergences entre la paix par le droit de l'avant 14 et la nécessité d'inclure désormais les droits de l'individu dans l'ordre international. Et c'est bien ça le tournant de la Première Guerre mondiale, cette nécessité d'inscrire les droits des individus dans ce droit international. Et ces trois vont converger vers cette déclaration qui, disons-le, est innovante, non seulement parce qu'elle exprime le droit des individus, où qu'ils soient, de tous les habitants, qu'ils soient citoyens ou non, et donc le droit des apatrides est conclu dedans, mais également l'égalité homme-femme. Voilà, l'une des grandes innovations de la déclaration de 29, c'est l'égalité des droits des hommes et des femmes. Je voulais juste ajouter, je ne sais pas ce que Zovinar Kevanian pensera, c'est que quand même, cette déclaration est extraordinaire, d'une certaine façon, au moment où elle intervient, mais la façon dont elle est rédigée, c'est « il est du devoir de tout État, il est du devoir de tout État ». Et c'est quand même intéressant de voir qu'en 48, on ne dira pas « il est du devoir de tout État », mais « tout individu a droit à ». Je ne sais pas si cette différence sémantique n'est pas finalement quand même intéressante. Elle est absolument intéressante, puisque l'objectif de ces juristes, c'est d'obliger l'État à conclure une convention internationale. Mmh. Leur objectif, c'est bien de formuler un acte de droit qui puisse être ensuite appliqué. Et donc, tout l'objectif à partir de 29, c'est la mise à l'agenda politique de cette déclaration pour en faire une convention qui serait signée dans le cadre de la Société des Nations. Mmh. Et qui est un échec, puisque nous ne l'avons pas. Et comment se met en place Zovinar Kevanian et peut-être aussi Emmanuel Naquet, cette articulation, donc, juriste, politique et diplomatique. Il faut que le lien se fasse entre ces chercheurs, alors vous l'expliquez bien, Zovinar Kevanian, qui vont travailler, qui vont faire des thèses sur la question des droits des minorités. Et ce ne sont pas n'importe quel juriste, on pourra en parler, ce sont des juristes en situation, comme vous dites, puisque la plupart peuvent être justement eux-mêmes des réfugiés et des apatrides. Et puis, ces recherches juridiques qui demandent la nécessité de devenir... s'articuler avec la politique internationale. Zovinar Kevanian, puis Emmanuel Naquet. Pour répondre à ça, je prendrai le prisme de l'histoire sociale et du travail qui a été fait par Koskeniemi, qui a entièrement revu cette question de ces juristes internationalistes de cette période qui va jusqu'aux années 50. Et ce prisme de l'histoire sociale nous dit que ces juristes ont des multipositionnalités sociales qui font qu'ils sont à la fois juristes, professeurs, jurisconsultes des chancelleries, qu'ils sont également diplomates, qu'ils sont également experts, arbitres, et qu'en réalité, qu'ils sont juges à la Cour permanente de justice internationale, que ce sont eux qui font les cours à l'Académie de droit de La Haye, qui est l'endroit prestigieux où on fait cours quand on est un juriste célèbre dans cette période. Bref, nous avons là un tout petit monde. Et donc, c'est ce tout petit monde qui fait qu'il y a possibilité d'inscrire ou non, d'ailleurs, dans l'ordre politique ou dans l'ordre diplomatique, ce qui est travaillé au sein de ce cénacle. Emmanuel Naquet. Oui, alors que je dirais de mon côté, enfin du côté politique, on a davantage une société civile en mouvement. Hein, donc, bon, la FIDH, c'est un rassemblement de ligues qu'on appelle à l'époque d'ailleurs Ligue Sœur, hein, donc par rapport à la Ligue française, voilà. Alors que la Ligue des droits de l'homme, c'est quasiment 180 000 adhérents hein, en 1932. Hein, donc c'est vraiment une force de frappe importante. Et cette association est vraiment sur plutôt une rhétorique en réalité, hein, plus que sur un empirisme, sur l'idée de convention. Avant même la déclaration des droits internationaux, la Ligue des droits de l'homme propose dès 1927 une déclaration mondiale des droits de l'homme. Donc elle est en fait davantage sur l'avant 48 en quelque sorte. Hein. Mais cette nécessité, elle émerge, on parle effectivement plutôt du cercle français, mais vous parlez des ligues sœurs, justement, il y a des ligues sœurs aussi européennes qui émergent et qui vont s'agréger d'une certaine manière après, au moment de la création de la LIDH, pour participer justement à la fondation d'une déclaration, enfin, ou de droits universaux. Tout à fait. La Ligue italienne, hein, qui est extrêmement importante, la Ligue allemande, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a toute une multitude de ligues, hein, donc, étonnamment, c'est très européocentré quand même, hein, donc, aucune ligue d'Amérique latine, c'est assez étonnant, hein, alors que les indépendances ont déjà eu lieu, hein, donc, avec la dernière, celle du Brésil. De l'Afrique, n'en parlons pas. Voilà, de l'Afrique, n'en parlons pas. Ce qui est intéressant, c'est ces convergences entre les politiques, les juristes, les économistes aussi. Hein. On a des figures comme Albert Thomas, hein, qui sont extrêmement importantes. Parce qu'il y a la question du droit du travail aussi, qui va émerger évidemment dans toutes voilà, ces problématiques. Voilà, notamment à partir de 1936, clairement. Et même... Daniel Lechac. Non, puisqu'on parlait du droit du travail, je pense qu'il faut dire un mot de l'OIT. Ah, mais bien sûr. Alors, allons-y sur l'OIT. C'est quand même très impressionnant, en fait, parce que... L'Organisation internationale du travail, installée à Genève, c'est ça? Mais oui, mais surtout en 1919. Et c'est les positions qui sont inscrites dedans. Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Et à partir de là, découle un ensemble de droits, des conditions de travail qui aujourd'hui provoque l'injustice, la misère et les privations. Et donc, le travail n'est pas une marchandise, la pauvreté constitue un danger, la lutte contre le besoin, etc. Tous les êtres humains ont le droit de poursuivre leur progrès matériel, leur développement spirituel. Et puis, à partir de là, dès 1919, vous avez des conventions sur la durée du travail, le chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des femmes et des enfants, le repos hebdomadaire, etc. Et c'est ce qui est quand même très impressionnant, c'est que ces conventions, évidemment, concernent les travailleurs, donc elles ne pas le, mais quand même, on parle aujourd'hui beaucoup de comment s'articulent les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques. Et là, on voit que curieusement, les droits économiques et sociaux ont finalement été reconnus au niveau international, d'une certaine façon, avant les autres. Et c'est vrai qu'une phrase comme « le travail n'est pas une marchandise », on l'a entendue beaucoup plus récemment qu'en 1919, Daniel Lechac. Thank you. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. La suite concertante pour hautbois et orchestre de chambre d'Alexandre Tanzmann. Le choix de notre réalisatrice Marie-Laure Ciboulet a été de chercher justement parmi tous ces réfugiés, apatrides, personnes qui ont été déplacées par la Première Guerre mondiale, des compositeurs. Et Alexandre Tanzmann fait partie de ceux-là. Jovinar Kevonian, vous qui avez travaillé justement sur ces réfugiés, apatrides, mais aussi sur cette question justement de la place qu'ils ont tenue en tant que juriste en particulier, dans la conception justement de l'internationalisation des droits de l'homme. On a beaucoup cité cette déclaration de 1929. Il y a d'autres textes qui concourent à cette question dans ces années 20, fin des années 20 et début d'années 30. L'un des textes matriciels est les traités des minorités, en réalité. Parce qu'on conçoit la protection d'individus dans l'ordre international. Alors évidemment, il y a les droits sociaux et économiques. Enfin, ce lien qui veut être fait par l'OIT entre économie et sociale, hein, ce qu'il aura d'ailleurs du mal à imposer jusqu'aux années 30. Mais il y a aussi les traités des minorités. Et ces traités des minorités... Minorités qui sont pour beaucoup déplacées par les guerres, justement. Alors, qui ont été déplacées par les guerres, par la destruction des empires, par la reconstitution de nouveaux États ou la création de nouveaux États. Par le génocide des Arméniens, évidemment. Et ce droit des minorités, en réalité, inscrit donc un certain nombre de régimes de protection qui doivent être activés, mis en place par la Société des Nations, c'est-à-dire par un organe politique, donc ce qui n'est pas évident, sachant qu'un dernier recours est la Cour permanente de justice internationale, si jamais on n'arrive pas à s'entendre entre minorités et États. Et donc ce droit des minorités est la matrice à partir de laquelle va être réfléchie l'internationalisation des droits de l'homme. En réalité, elle va être pensée comme ça. Au début, l'hypothèse, et on voit très bien le rôle des juristes russes en exil dans cette affaire-là, puisqu'ils sont là aussi pour ce qu'on va appeler le fameux passeport Nansen, c'est-à-dire le passeport pour les apatrides, qui aurait été un passeport entre guillemets, et qui vont basculer sur la question minoritaire. Alors ce sont des juristes, juifs parfois, pas tous, mais qui sont en exil après la révolution bolchevique de 17, et qui se retrouvent dans des pays de l'Ouest européen, réfugiés eux-mêmes, et qui conçoivent une vision internationale. Qui conçoivent une vision internationale, on a la figure de Boris Mirkin-Guetzevich, qui est une des grands constitutionnalistes de l'époque, et qui effectivement est très proche également d'André Mandelstam déjà cité, mais on a aussi Marc Vichniac, on a un certain nombre de ces élites, en réalité, des milieux juridiques, qui soit été avocat, il y a également Jacob Rubinstein, qu'on trouvera également, qui est un spécialiste du refuge, notamment en France, et pour la plupart, soit ils sont passés par l'Allemagne au début des années 20, et puis après la crise allemande a fait qu'ils sont arrivés au milieu des années 20 en France, mais beaucoup se retrouvent déjà en France dès 18-19. Voilà. Et c'est dans ce milieu que vont émerger ces réflexions. Et donc sur le droit des minorités, au départ, l'idée, c'est on va généraliser le droit des minorités. On va passer d'un droit qui s'applique à certains États qui ont été soumis à ce droit et qui protestent d'ailleurs vaillamment toutes les années 20 en disant qu'ils sont soumis à un droit de contrôle auquel ne sont pas soumis les autres États. Mmh. Et donc l'idée au départ, c'est de dire, mais si on généralisait à l'ensemble des États du monde ces droits des minorités, cette protection, bien l'individu pourrait être protégé où qu'il soit dans tous les États. Et ça, c'est effectivement intéressant de voir que concomitamment, comme vous le disiez tout à l'heure, Daniel Lechat, qu'il y a ces réflexions qui tiennent à la question des droits sociaux et des droits économiques, en particulier portés par les gens qui travaillent à l'OIT à Genève, et en même temps, dans un autre cénacle ou dans un autre cercle, mais peut-être sont-ils reliés les uns aux autres, ceux qui réfléchissent à la question du droit des minorités, qui tous les deux, ces droits, nécessitent justement une internationalisation, Daniel Lechat. Alors l'internationalisation, oui, et j'aime beaucoup cette phrase de Hannah Arendt, en substance, qui dit que les traités de paix qui imposent donc des obligations aux États de protection des minorités montrent bien, donc cette internationalisation montre bien ce que on savait de tout temps, c'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont protégés que si on fait partie d'un État. Hein, et qu'à partir du moment où on ne fait plus partie d'un État, qu'on soit apatride, réfugié ou membre de minorité, eh bien il faut une internationalisation. Et le contexte historique dans tout ça, parce que bon, on a compris, la guerre de 14 marque une certaine rupture, et puis les années 30, la montée du fascisme, des nazis, l'afflux de réfugiés beaucoup plus massif, et puis la dépression économique fait aussi que la question du droit du travail, elle se pose, universelle en tous les cas, se pose de manière plus saillante. Oui, oui, tout à fait. Les totalitarismes jouent un rôle, notamment en provoquant ces vagues de réfugiés. Des figures d'ailleurs, qui ont été évoquées sont parfois des réfugiés. Il y a une situation d'urgence en fait. Avec une multiplication de structures. Au-delà de la LICA, du Secours Rouge International, dont il faudrait aussi parler, qui ont un rôle important dans l'accueil des réfugiés. Autour de la Ligue des droits de l'homme, il y a toute une série comme ça de lieux. D'accueil. Qui vont bientôt ne plus suffire d'ailleurs. Tout à fait, qui ne suffisent pas, parce qu'on a véritablement des flots extrêmement importants. Et finalement, la distinction entre l'humanitaire et les droits de l'homme ne se fait pas à l'époque. Donc autant maintenant, on travaille beaucoup sur ces lignes de séparation. Et en même temps, j'ajouterais que ces réfugiés constituent des sociétés civiles cosmopolites, qui essayent de dépasser ce que Hannah Arendt appelait la politique de la pitié. Il y a l'accueil, mais il y a aussi la question des droits. Mais ça doit être difficile pour une Ligue des droits de l'homme, par exemple, qui a été habituée, depuis en particulier l'affaire Dreyfus, à traiter des questions qui sont des questions nationales, dans le cadre républicain de la Troisième République en particulier, de recevoir des concepts qui viennent d'ailleurs, de les adopter, les entendre, de se mixer avec ces concepts de gens qui viennent de toute l'Europe, qui sont des déplacés de toute l'Europe. Ou est-ce qu'il n'y a aucun problème de nationalisation, entre guillemets, de la notion des droits de l'homme, puisque la France se considère plus ou moins comme propriétaire de cette notion des droits de l'homme depuis la Révolution française et surtout depuis le centenaire de cette Révolution en 1889. Non, je pense que du côté de l'élite, en tout cas, des édiles de la Ligue des droits de l'homme, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a vraiment ce modèle, cette matrice qu'est la Déclaration française de 89, de 93, donc les déclarations françaises. Il n'y a aucune référence, d'ailleurs, à la Déclaration des droits, la Déclaration d'indépendance. C'est assez intéressant de voir, donc dans leur panthéon, en quelque sorte, idéologique et rhétorique. Donc pas les États-Unis sont rendus coup, c'est ça? Voilà, d'ailleurs, il n'y a pas de ligue américaine, donc il y a la tentative, y compris d'ailleurs au Royaume-Uni, il n'y a pas non plus de ligue britannique. Donc c'est assez intéressant, comme un modèle peut s'imposer en tout cas. Donc les Français se considèrent plus ou moins comme propriétaires tout de même de cette notion-là, et ils vont devoir discuter avec des gens qui vont amener des choses supplémentaires, des notions supplémentaires en particulier. Voilà, tout à fait. Et quand, par exemple, il y a cette idée d'un complément aux déclarations, des personnalités comme Boris Mirkine-Gazevich sont tout à fait dans ce moule, en fait. Oui. Devin Arkevenian, qu'est-ce que vous pensez justement de ce mélange entre vision, disons, nationale des droits de l'homme et puis cette internationalisation qui pousse de partout? Parce que quand on vous lit, Devin Arkevenian, on est très étonné de la multiplication de ces associations, surtout après la Première Guerre mondiale, de ces associations, de ces fondations, de ces initiatives qui viennent de partout, en fait, au bout du compte. Et on a l'impression que ça pousse comme des champignons dans cette Première Guerre mondiale et qu'il y a des dizaines et des dizaines d'initiatives qui sont un peu non coordonnées, mais qui finissent par justement acclimater cette notion d'internationalisation des droits de l'homme dans le contexte international. Vous avez tout à fait raison, les années 20 sont des années de bouillonnement qui ne vont pas forcément vers des convergences. C'est pour ça que dans cette période, les droits de l'homme sont une notion à la fois instable, qui sont l'objet de multiples appropriations et d'énormes contresens entre les différentes associations et organes, puisqu'ils n'y mettent pas la même chose, ils n'y projettent pas. Il y a toute la question de la projection que l'on peut mettre dans cette notion-là. Et donc, effectivement, les années 20, ce sont des bouillonnements. Et ça coince où, alors, par exemple? Alors, ça peut coincer tout simplement parce qu'il y a de simples contresens sur la notion même que portent les droits de l'homme. Par exemple, la fameuse déclaration de 29 va être présentée à la Ligue des droits de l'homme. D'ailleurs, elle va être discutée. Il va même y avoir une motion de soutien de cette déclaration, mais en même temps, on y voit l'universalisation de l'approche française. Ce qui est absolument logique, parce qu'on parle et on pense d'où on est. Et quand en 1936, il va y avoir les réflexions au sein de la Ligue et de la FIDH du complément de la déclaration, eh bien, effectivement, Mandelstam va arriver en disant, mais si on s'inspirait de celle de 29. Et on va dire, oui, mais c'est très théorique tout ça pour nous. Il y aura vraiment une difficulté de l'apprendre. D'ailleurs, on a les archives de ces débats et de ces échanges. C'est assez intéressant, puisqu'effectivement, on part toujours, et l'espace transnational est un espace de projection de la manière dont sont pensés les objets à des échelles locales. Bien sûr. Et il n'y a pas, et on peut même adopter quelque chose en faisant un contresens sur l'objet. Mais quels sont les autres foyers, par exemple, puisqu'on parle du foyer français parce que nous sommes en France, mais il y a sûrement d'autres foyers européens, par exemple, de réflexion de cette question des droits de l'homme qui partent du national mais qui vont vers l'international, peut-être pas avec les mêmes... Aux États-Unis, et autour d'une question qui est très discutée au milieu des années 20, et qui est celui du statut de la femme mariée. Et on va partir d'un autre objet, qui n'est pas celui que j'évoquais, qui n'est pas celui... C'est le statut de la femme mariée. Oui, le statut de la nationalité de la femme mariée avec un étranger. Le droit, à l'époque, prévoit que la femme suit la nationalité de son mari, et de fait peut perdre sa nationalité d'origine en se mariant. Et donc la question que posaient les mouvements féministes transnationaux, qui sont très vigoureux à Genève, et il y a beaucoup d'associations américaines notamment, qui sont représentées, est de considérer que la femme mariée à un étranger ne doit pas perdre sa nationalité d'origine, puisque si elle se sépare, elle pourrait retrouver sa nationalité d'origine. Donc ces débats sont des débats qui sont très vifs au sein de la SDN, parce que les mouvements féministes sont très vifs. Or, en 1930, il y a une grande messe du droit international qui est la première conférence de codification du droit international, avec une question centrale, celle de la nationalité. Et là, les femmes sont très actives. Et notre déclaration de 1929, pourquoi elle inclut la question de l'égalité homme-femme? C'est en vue de cette grande conférence de 1930. C'est d'enfin affirmer le droit des femmes. Donc vous voyez bien que les appropriations sont très diverses et viennent de foyers différents. Daniel Lechac, ça vous fait sourire en tant que juriste d'entendre... Oui, justement, je trouve ça tout à fait passionnant, parce que les juristes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils regardent le droit qui a été fait. Et je pense qu'avoir cet éclairage historique et sociologique, finalement, est tout à fait passionnant pour montrer d'où vient le droit, y compris parce que le droit est porté par des hommes et par des femmes, absolument, effectivement, oui, qui sont de chair, en l'occurrence, et qui ont leurs propres intentions. Absolument, oui, non, mais je trouve ça tout à fait passionnant. Mais ça explique aussi pourquoi ce que je vous disais en commençant, c'est-à-dire que du point de vue des juristes, on n'a pas l'impression qu'on a redécouvert quelque chose, puisque pour nous, il y a de toute façon une évolution, et on sait qu'à telle époque, on a fait ça, à telle époque, on a fait ça. Il y a quand même cette SDN, au milieu de tout ça, vraiment, dans ces années 20, donc qui est infiltrée par justement des juristes, des instituts de réflexion de droit, la LIDH, pour justement militer à la mise en place d'une internationalisation des droits de l'homme ou pas du tout. Zobinard ou Collignon ou Emmanuel Lacaille, je ne sais pas. La Société des Nations n'est pas un espace de discussion sur la question des droits de l'homme. Elle ne l'est absolument pas, puisque c'est un espace interétatique, comme ça a été dit tout à l'heure, donc la représentation des États. À la différence de l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation tripartite, comprenant les représentants des ouvriers, des représentants patronaux et des gouvernements, ce qui fait toute l'originalité de l'OIT, et ce qui fait que c'est l'une des seules organisations qui survivra à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, à la différence de la SNN, qui n'y a pas survécu. Donc la Société des Nations a pour objectif la paix et la sécurité collective. Ça fait partie de ses objectifs fondamentaux. Avec le succès qu'on sait. Succès que l'on sait. Mais la sécurité collective, elle peut inclure justement la problématique. Les individus, dans le pacte, il y a mention des questions sociales, humanitaires, qu'on appelle également des questions techniques, et donc bien différencier des questions politiques. Donc elles existent, mais là aussi elles existent de manière catégorielle, comme nous disions au début de cette émission tout à l'heure. Et donc c'est bien par des éléments catégoriels localisés que se pose cette question-là. Emmanuel Naquet. Oui, alors on va pas faire un procès à la SDN, mais c'est vrai que c'est parce que elle faillit, donc largement, qu'on a aussi cette immixtion citoyenne, pour reprendre la formule de Sandy Cooper. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des figures, qui sont à cheval entre le mouvement associatif et ces structures internationales ou intergouvernementales qu'est la SDN. Je pense à Georges Sell, je pense à William Walid, par exemple, qui sont des deux côtés, en quelque sorte, de la barrière, à la fois sur le plan de la SDN, inscrits, mais aussi qui peuvent être consultés par des structures comme la FIDH ou la LDH. un extrait du Miserere allemand de Paul Dessau qui travailla avec Bertolt Brecht et qui quitta l'Allemagne en 1933 pour se réfugier aux États-Unis avant de revenir après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne de l'Est. Paul Dessau qui faisait partie de ces personnes qui ont donc bougé tout au long de cette première moitié du XXe siècle qui est au cœur de notre discussion sur les droits de l'homme. Alors on a beaucoup évoqué cette déclaration de 1929, cette déclaration donc internationale sur les droits de l'homme. Il se passe quoi dans les années 30 alors que justement, et on pourrait conclure là-dessus, puisqu'il nous reste 7 ou 8 minutes pour discuter, eh bien montent les périls dans toute l'Europe, avec en particulier le régime nazi. Est-ce qu'il y a une accélération de cette notion de droit de l'homme, Daniel Lechac, dans les années 30, ou est-ce qu'au contraire, ça n'est pas encore à l'ordre du jour, même si c'est à l'ordre du jour pour beaucoup de juristes? Moi, je pense que dans l'avant-guerre, ce qu'il faut aussi mentionner... L'avant-Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence. L'avant-Seconde Guerre mondiale. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Zovinar Kevonian sur le rôle de ces réfugiés. Il y en a quand même deux dont on n'a pas encore parlé, qui sont des grands internationalistes, qui sont Lauterpacht et Lemkin, qui ont été, un peu popularisés par le livre récent de Philippe Sands. Il faut rappeler qu'on peut réécouter l'œuvre musicale qui a été diffusée sur France Culture dimanche dernier, donc avec en particulier. Qui était invité de la Fabrique de l'Histoire le mois dernier. Et c'est quand même très intéressant parce que ce sont quand même les pères de deux notions très importantes. Lauterpacht, donc, crime contre l'humanité, et Lemkin, qui va théoriser le mot génocide, et qui, dès 1933, d'ailleurs, écrit quelque chose. Lui, il parle des actes de barbarie, et c'est plus tard qu'il va forger le mot génocide, en pensant notamment au génocide arménien, et qui va être appliqué également au génocide des Juifs. Oui, et effectivement, ces deux personnalités, d'une certaine façon, on les redécouvre avec des ouvrages relativement récents. On connaît leur existence, Lauterpacht et Lemkin, évidemment, mais ils sont plus popularisés par le travail, en particulier de Philippe Sand, mais aussi le travail récent d'Annette Becker pour Raphaël Lemkin. Mais néanmoins, ils pourraient presque masquer tout ce désordre de courage, pourrait-on dire, des années 30, qui sont, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui réfléchit à ces questions-là et qui ne voit pas forcément aboutir ces revendications ou ces demandes ou ces concepts juridiques. Mais néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière. Dans les années 30, effectivement, mais tout simplement parce que la crise des réfugiés qui commence, des réfugiés politiques, très clairement, a déjà commencé, enfin avec l'Italie d'ailleurs, au milieu des années 20, mais ensuite se poursuit avec le cas de l'Allemagne, puis l'accentuation avec l'Autriche en 38. Donc effectivement, on a une crise majeure, et avec au milieu la guerre d'Espagne, qui vient à partir de 36, accentuer le sentiment d'urgence. Et donc effectivement, la question du sort fait aux individus dans des états oppresseurs ou criminels devient, un sujet commun. Rajoutons également le grand tournant stalinien 1929-30, la découlakisation. Donc cette question des droits humains devient prégnante effectivement dans des milieux très différents. Mais elle n'engage pas une mise à l'agenda politique. Et l'attention portée par les États qui accueillent ces réfugiés également jouent dans cette dialectique ou pas d'ailleurs entre le Front populaire et ensuite le gouvernement d'Aladier par exemple en 38, c'est pas tout à fait la même politique qui est appliquée. Emmanuel Naquet. Oui, moi je pensais surtout c'est que en ces temps de grande dépression aussi dans les années 30, ce qui est intéressant c'est que ces hommes se saisissent en fait de la question des droits économiques et sociaux. Hein, donc ça peut presque paraître paradoxal parce qu'on a un marché du travail qui est très tendu, et l'idée d'étendre les droits à la mère, à l'enfant, je lis, les personnes âgées, le droit au travail, à la protection sociale, le droit au loisir, le droit à l'éducation, on est déjà en fait dans cette troisième génération des droits dits de solidarité qui apparaissent à partir de 36. Donc il y a vraiment un moment sur les années 30, et certainement lié au Front populaire, mais pas uniquement. Je crois que vous parliez avec Valentine Hubert de la figure d'Albert Bayet, 89 économique, on est vraiment là, donc l'idée de combattre 89 économique, elle disait en fait effectivement que Albert Bayet, dans son, pour le 150e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avait fait un texte où il invoquait la nécessité de faire un 89 économique, c'est-à-dire de mettre à l'agenda la question des droits économiques et sociaux en plus des droits politiques qui avaient été défendus par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, et quand Victor Bach en fait défile en 36, il parle de combattre toutes les Bastilles. Hein, donc il y a vraiment l'idée donc d'une mission générale, d'un mandat général. Et cette proto-histoire, Zovinar Kévognan, elle semble avoir un peu être perdue. C'est tout le but, l'objectif aussi de votre travail, évidemment, c'est de faire remonter les origines. Enfin, d'où provient cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948? Non, c'est vrai qu'en bon historien, l'histoire des origines, ça mène nulle part. Donc voilà, donc je vais, il n'y a pas d'histoire des origines. Non, mais la généalogie, il n'y a pas non plus la volonté de refaire justice à ces fondateurs oubliés, etc. C'est pas ça du tout. Mais c'est de simplement de le cheminement, de réinsérer en leur temps les enjeux qui se sont posés effectivement au milieu des années 30, en 1933. C'est le moment où la déclaration pourrait se transformer en convention, puisque à l'Assemblée générale de la SDN, en octobre 33, on a l'Allemagne nazie bien présente, c'est quelques semaines avant son retrait, extrêmement offensive, qui a commencé déjà sa politique antisémite à partir du mois d'avril. Donc il y a une question juive effective dans les couloirs de la Société des Nations. Que fait-on? Et là, Mandelstam dit, c'est le moment d'appliquer cette fameuse déclaration des droits de l'homme. Elle se pose sur la question juive de 29. Elle est là pour ça. Et cette mise à l'agenda échoue. Et c'est très intéressant, la question de savoir pourquoi elle échoue. Parce que la question, c'est on ne doit pas stigmatiser l'Allemagne. Puisque si on stigmatise l'Allemagne, eh bien, on risque non seulement de donner un signal favorable à plus d'afflux de réfugiés. Je suis désolée, mais c'est une des réactions assez habituelles, d'ailleurs. Ça rappelle des choses, absolument. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de régler plutôt que de stigmatiser. Donc, cette convention se réforme à la propos. La deuxième chose, c'est qu'en juin 1933, il se passe quelque chose de fondamental. C'est la pétition Bernheim. La pétition émise par Franz Bernheim, qui a été mise en forme par le comité des délégations juives, c'est-à-dire par les médias sionistes, et cette pétition pour ce juif de Haute-Silésie utilise le système minoritaire et ce qui est prévu dans le système minoritaire de recours pour mettre en place une jurisprudence des droits de l'homme. Et pas seulement un discours des droits de l'homme, c'est-à-dire de sortir de l'humanitaire pour aller vers un droit effectif des droits de l'homme. Et cette pétition, évidemment, fonctionne. Et jusqu'en 1937, les discriminations légales nazies ne seront pas appliquées en Haute-Silésie. D'accord ? Et ça montre quoi ? Ça montre que cela pourrait fonctionner. Et c'est ça qui, paradoxalement, provoque le refus de le mettre à l'agenda. Et c'est très important, effectivement, que de revenir sur cette question-là et donc d'avoir fait cette proto-histoire. Je voudrais vous poser une question, juste, Zovinar Kévognan. Pourquoi ce Swing of the Pendulum comme titre de votre HDR ? C'est assez étrange. Ça signifie quoi La danse du pendule. Oui. C'est une expression, n'est pas de moi. Elle est d'un juriste autrichien, Joseph Kuntz, qui a émigré aux États-Unis, évidemment, dans la même période, et qui disait que pour les juristes, on était passé d'un pendule où on croyait dans le droit, on espérait que le droit international changerait les choses dans les années 20 et dans les années 50, on arrive à un moment où on a l'impression qu'il n'y a que le réalisme politique qui l'emporte. Oui, avec en particulier évidemment la Seconde Guerre mondiale, mais surtout la guerre froide qui s'est instaurée. Merci à tous les trois d'être venus pour débattre justement de cette internationalisation du droit entre la fin du 19e et la Seconde Guerre mondiale. Merci à vous, Daniel Lechac. Vous êtes auteur d'un livre sur l'histoire des droits de l'homme, en particulier sur les droits de l'homme. C'est dans la collection Repère. Voilà. Zovinar Kévognan, en collaboration, vous avez écrit un livre très important sur les réfugiés et les apatrides. C'est aux Presses universitaires de Rennes. Oui, c'est le comité d'histoire de l'OFPRA. Voilà. Et pour vous, Emmanuel Naquet, il faut préciser qu'on peut s'intéresser à l'histoire de la Ligue des droits de l'homme, en particulier avec une exposition virtuelle qui vient de se lancer. Voilà, deux événements, en fait. Une exposition virtuelle donc qui s'est ouverte hier, donc mardi, et un colloque qui a commencé aussi hier et qui se termine aujourd'hui, donc ce soir mercredi, qui travaille sur penser et agir pour les droits de l'homme. Oui, Zovinar Kévognan. Avec évidemment le rôle de la contemporaine, l'ex-bibliothèque de documentation internationale contemporaine. L'ex-BDIC qui s'appelle maintenant la contemporaine. Qui s'appelle maintenant la contemporaine, où se trouvent désormais ces archives sur lesquelles Emmanuel Naquet travaille depuis très longtemps, de la Ligue des droits de l'homme et surtout l'ouverture des archives post-45 de la Ligue. Merci à tous les trois. Donc, et demain, donc pour conclure cette série, votre documentaire que réalisait Marie-Laure Ciboulet avec vous-même, Séverine Yatar, sur une figure. Un portrait d'Eleanor Roosevelt. Alors, c'est le point d'aboutissement d'une certaine manière, le fait qu'elle ait participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais c'est aussi un portrait sur l'ascension politique d'une femme. Parce que, c'est peut-être pas pour rien que Eleanor Roosevelt a participé finalement à cette rédaction, notamment avec l'aide, évidemment, qu'elle a pu, enfin, le rôle plutôt qu'elle a pu avoir auprès de son mari de président, Franklin Roosevelt, au moment du New Deal et après. On écoute un extrait de ce documentaire. Eleanor, elle est devenue véritablement un symbole de la démocratie américaine dans ce qu'elle peut avoir de meilleur et dans la défense des droits de l'homme. Son influence est à la fois politique, intellectuelle, électorale. En fait, elle était un cabinet présidentiel toute seule. Elle avait constitué son propre cabinet présidentiel pour défendre ses idées, pour entrer dans les salles de réunion, pour ennuyer toute l'administration, mais ça fait rien. S'il y avait une hostilité à l'égard d'Eleanor, c'est parce qu'elle avait des idées un peu trop de gauche par rapport à un pays qui l'était beaucoup moins. C'est elle qui va présenter à la Sorbonne, invitée par René Cassin, le projet de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va être l'objet d'un travail intense pendant 2 ans, avec 1400 amendements, je ne sais combien de réunions. Enfin. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire qui conclut notre série sur le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme par la figure qui l'a portée médiatiquement, pourrait-on dire, en 1948, à savoir Eleanor Roosevelt, un documentaire donc signé Séverine Yatar et Marie-Laure Ciboulet. Cette émission, comme toutes les autres, était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Valérie Lavalard était à la technique avec nous aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous vous intéressez à cette question des droits de l'homme, n'hésitez pas à réécouter les émissions de la Fabrique de l'Histoire, mais aussi celles de Culture Monde, donc de Florian Delorme, qui porte sur cette question aujourd'hui, ainsi que les émissions Matière à penser à 22h15 le soir. Antoine Garapon évoque cette question des droits de l'homme pendant toute cette semaine sur France Culture.